Section 1 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Marie-Anne Vidal. La lecture, tome 6e. Section 1, La caille, par Ivan Tourguenieff, chapitre 1. J'avais à peu près 10 ans lorsque m'arriva ce que je vais vous raconter. C'était en été. Je vivais en ce moment-là avec mon père dans une métairie de la Russie méridionale. Tout autour de nous, à plusieurs verstes de distance, s'étendait un terrain de steppe. Ni bois, ni rivière dans le voisinage, des ravins peu profonds, couverts de broussailles, sillonnaient çà et là, semblables à des serpents verts, la surface unie du steppe. Des filets d'eau couraient au fond de ces ravins. Par endroits, presque au haut des pentes, on voyait de petites sources d'une eau limpide comme des larmes où aboutissaient des sentiers foulés. Et, au bord de l'eau, sur le limon humide, se croisaient des traces de pattes d'oiseaux et d'autres petits animaux. Les bêtes, tout comme les gens, ont besoin de bonne eau pure. Mon père était un chasseur passionné. Dès que ses travaux lui laissaient un moment, si le temps était beau, il prenait son fusil, passait sa gibecière, sifflait son vieux trésor pour aller chasser la caille et la perdrix. Il méprisait les lièvres. Bon, tout au plus, disait-il d'un air de mépris, pour les chasseurs à court. C'était là, avec les bécasses qui passaient en automne, tout le gibier qu'on rencontrait chez nous. Mais les cailles et les perdrix étaient fort nombreuses, les perdrix surtout. En suivant la pente des ravins, on rencontrait à chaque instant les petits creux de poussière sèche où elle se blottissait. Le vieux trésor tombait aussitôt en arrêt. Sa queue tremblait, la peau de son front faisait des plis mouvants, et mon père pâlissait pendant qu'il relevait avec précaution le chien de son fusil. Il m'emmenait souvent, à ma très grande joie. Je fourrais le bas de mon pantalon dans mes bottes, je jetais ma gourde par-dessus mon épaule, et je me figurais être un vrai chasseur. La sueur m'inondait, le gravier entrait dans mes bottes, mais je ne sentais pas la fatigue et je ne quittais pas mon père d'une semelle. À chaque fois que le coup de fusil partait et que la bête tombait, je bondissais sur place en poussant des cris, tant j'étais heureux. L'oiseau blessé se débattait, agitant ses ailes, tantôt sur l'herbe, tantôt dans la gueule de trésor. Son sang coulait et moi j'étais enchantée. Je n'éprouvais pas le moindre sentiment de pitié. Que n'aurais-je pas donné pour tirer moi-même, pour tuer aussi des cailles et des perdrix? Mais mon père m'avait expliqué que je n'aurais pas de fusil avant l'âge de 12 ans, que mon fusil serait à un seul coup, et que l'on me permettrait seulement de tirer des alouettes. Il y en avait des quantités dans notre endroit. Pendant les belles journées de soleil, on les voyait par dizaines dans le ciel clair, où elles montaient toujours, avec des cris qui ressemblaient à des tintements de clochettes. Je les regardais comme mon butin futur, et je les visais avec un bâton que je portais sur mon épaule en guise de fusil. Rien n'est plus facile que de les atteindre quand elles planent en frémissant des ailes, à 5 ou 6 pieds de terre, avant de plonger brusquement dans l'herbe. Une fois, je partis avec mon père pour la chasse. C'était la veille de la Saint-Pierre. À cette époque de l'année, les jeunes perdrix sont encore petites. Mon père ne voulait pas les tirer. Il entra dans un hallier de chênes, sur la limite d'un champ de seigle où l'on trouvait toujours des cailles. Comme il n'était pas commode de faucher dans ce hallier, l'herbe y avait librement poussé depuis longtemps, ainsi que des myriades de fleurs, vesses, trèfles, campanules, myosotis, œillets sauvages. Quand j'allais dans cet endroit avec ma sœur ou avec la femme de chambre, j'en emportais une pleine brassée. Mais quand c'était avec mon père, je n'y cueillais pas de fleurs, trouvant cette occupation indigne d'un chasseur. Tout à coup, Trésor tomba en arrêt. Mon père cria « Pille !» Sous le nez même de Trésor, une caille partit et s'envola. Mais elle volait d'une façon étrange, culbutant, tournoyant, retombant à terre comme si elle eût été blessée à l'aile. Trésor courut sur elle à toutes jambes, ce qu'il ne faisait jamais quand l'oiseau volait de son allure ordinaire. Mon père ne pouvait tirer, craignant que le chien n'attrapât du plomb. Tout à coup, je vis Trésor faire un bond plus brusque et « crac !» saisir la caille qu'il apporta à mon père. Mon père la prit et la posa sur la paume de sa main, le ventre en l'air. Je me précipitai vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui dis-je. Elle était blessée ? Non, me répondit mon père. Mais elle doit avoir son nid avec des petits tout près d'ici. Et elle a fait semblant d'être blessée pour que le chien, pensant qu'il l'attraperait facilement. Et pourquoi faisait-elle cela ? Afin d'attirer le chien loin de ses petits. Après quoi, elle serait partie en volant à tire-d'aile. Mais cette fois, elle a manqué son affaire. Elle a trop joué la comédie et Trésor l'a prise. Alors, elle n'est pas blessée ? Demandai-je encore. Non, mais elle ne vivra pas. Trésor doit lui avoir donné un coup de dent. Je m'approchai pour voir la caille de plus près. Elle était immobile sur la paume de la main de mon père. Sa tête pendait, son œil noir me regardait de côté, et tout d'un coup, je fus pris d'une grande pitié. Il me semblait que la pauvre bête me regardait et pensait « Pourquoi donc faut-il que je meure? Pourquoi? N'ai-je pas rempli mon devoir? J'ai essayé de sauver mes petits, d'entraîner le chien plus loin, et me voilà prise. Pauvre de moi! Pauvrette! Cela n'est pas juste! Non, cela n'est pas juste !»« Papa, peut-être qu'elle ne mourra pas ?» m'écriai-je en essayant de caresser la tête du petit oiseau. Mais mon père me dit « Elle mourra. Tiens, regarde. Dans un moment, ses pattes vont se raidir. Tout son corps tressaillira et ses yeux se fermeront. » En effet, les choses se passèrent ainsi. Quand ses yeux se furent fermés, je me mis à pleurer. « Qu'est-ce qui te prend ?» me dit mon père en éclatant de rire. « Je la plains, » répondis-je. « Elle a fait son devoir et on l'a tuée. Ce n'est pas juste. »« Elle a voulu jouer au plus rusé, » répliqua mon père. « Mais Trésor a été plus malin qu'elle. » « Méchant Trésor, » pensais-je. Et en ce moment, il me sembla que mon père lui-même n'était pas bon. « Il n'y a pas de ruse là-dedans. C'est de l'amour pour ses chers petits et non pas de la ruse. Si elle était forcée de jouer la comédie pour sauver ses petits, alors il ne fallait pas que Trésor pût la prendre. » Mon père voulait mettre la caille dans sa gibecière, mais je le priai de me la donner. Je la mis sur mes deux mains, je la réchauffai de mon haleine, espérant que peut-être elle se réveillerait, mais elle ne bougea pas. « Tu perds ton temps, mon ami, » me dit mon père. « Tu ne la ressusciteras pas. Vois-tu comme sa tête pend ?» Je soulevai doucement la tête par le bec, mais aussitôt que je la lâchai, elle retomba. « Tu as toujours pitié d'elle ?» me dit mon père. « Et qui nourrira ces petits ?» demandai-je à mon tour. Mon père me regarda attentivement. « Ne t'inquiète pas, » me répondit-il. « C'est le mâle, c'est le père qui les nourrira. Mais attends, voilà Trésor qui se met de nouveau en arrêt. Si c'était le nid, justement, c'est lui. » En effet, entre les tiges d'herbe, à deux pas du museau de Trésor, j'aperçus quatre petites cailles qui se serraient les unes contre les autres, le cou tendu. Elles respiraient si vite qu'on aurait dit qu'elles tremblaient. Elles avaient déjà non plus du duvet, mais des plumes. Les queues seulement étaient encore très courtes. « Papa, papa !» criai-je à tue-tête. « Rappelle Trésor, il va les tuer aussi !» Mon père rappela Trésor et alla s'asseoir un peu à l'écart, sous un buisson, pour déjeuner. Mais moi, je restai près du nid en refusant de manger. Je tirai de ma poche un mouchoir blanc sur lequel j'ai mis la caille. « Regardez, pauvres orphelins !» « Voilà votre mère. Elle s'est sacrifiée pour vous. » Les petits, comme tout à l'heure, respiraient rapidement, palpitant de tout leur corps. Je m'approchai ensuite de mon père. « Tu me fais cadeau de cette caille ?» lui demandai-je. « Si cela te fait plaisir. Mais que veux-tu en faire ?»« Je veux l'enterrer. »« L'enterrer ?»« Oui, là, tout près du petit nid. Donne-moi ton couteau pour que je creuse sa petite fosse. »« Pour que ses enfants aillent prier sur sa tombe ?» me dit mon père étonné. « Non, répondis-je, mais ça me ferait plaisir. Elle sera bien là, à côté de son nid. » Mon père chercha son couteau et me le donna. Sans ajouter un mot, je me mis aussitôt à creuser la petite fosse. Je baisai la caille sur la poitrine, je la plaçai au fond du trou et je répandis de la terre dessus. Puis, avec le même couteau, je coupai deux petites branches que je dépouillai de leur écorce. J'en fis une croix en les fixant avec un brin d'herbe et je plantai cette croix sur la tombe. Nous nous éloignâmes bientôt, mon père et moi. Mais je me retournai à chaque pas. La croix était blanche et se voyait de loin. La nuit suivante, je fis un songe. Il me sembla que j'étais dans le ciel, et voilà que j'aperçus, sur un petit nuage, ma caille elle-même. Seulement, elle était toute blanche, comme cette croix. Et elle avait sur la tête une petite auréole d'or, sans doute en récompense de ce qu'elle avait souffert pour ses enfants. 4 ou 5 jours après, je retournai avec mon père au même endroit. L'emplacement de la tombe me fut indiqué par la croix, qui avait un peu jauni, mais qui était restée debout. Mais le nid était vide, pas la moindre trace de petit. Mon père m'assura que le mâle les avait emportés ailleurs. Et lorsque, quelques pas plus loin, le mâle sortit d'un buisson, mon père se garda de tirer sur lui. Et moi, je pensais, « Non, papa n'est pas méchant. » Chose singulière, à partir de ce jour, ma passion pour la chasse tomba complètement et je ne songeais même plus au fusil que mon père m'avait promis. Plus tard, il est vrai, quand je fus devenu grand, je me mis à chasser aussi. Mais je ne fus jamais un véritable chasseur. Fin de la section 1.